Chapitre 65. Deux hommes illustres de Lyon. L'ouvrier Jacquard, le botaniste Bernard de Jussieu. L'union dans la famille. Le cèdre du jardin des plantes. Ce que la patrie admire dans ces grands hommes, ce n'est pas seulement leur génie, c'est encore leur travail et leur vertu. Quand on eut quitté Lyon et ses dernières maisons, tandis que la voiture courait à travers les campagnes fertiles et les beaux vignobles du Lyonnais, Julien prit son livre, et profitant de la première côte que Pierrot monta au pas, fit la lecture à haute voix. Premièrement, à Lyon est né un homme qu'on a proposé depuis longtemps comme modèle à tous les travailleurs. Jacquard était fils d'un pauvre ouvrier tisseur et d'une ouvrière en soie. Dès l'enfance, il connut par lui-même les souffrances que les ouvriers de cette époque avaient à endurer pour tisser la soie. La loi d'alors permettait d'employer les enfants aux travaux les plus fatigants. Ils y devenaient aveugles, bossus, bancals, et mouraient de bonheur. Le jeune Jacquard, mis à ce dur métier, tomba lui-même malade. Ses parents, pour lui sauver la vie, durent lui donner une autre occupation. Ils le placèrent chez un relieur, et ce fut un grand bonheur pour l'enfant, car une fois dans l'atelier de reliure, il ne se borna pas à cartonner les livres qu'on lui apportait. À ses moments de loisir, il lisait ses livres, et il acquit ainsi l'instruction élémentaire qu'on avait pu lui donner. Une fois instruit, le studieux ouvrier sentit s'éveiller en lui le goût de la mécanique, et il conçut l'idée d'une machine qui accomplirait à elle seule le pénible travail qu'il avait lui-même accompli jadis. Mais de tristes événements vinrent interrompre ses recherches. C'était le moment des guerres de la Révolution, où les citoyens combattaient les uns contre les autres en même temps que contre les ennemis de la France. Il se fit soldat et alla combattre lui aussi pour la patrie. Pendant qu'il était sur le champ de bataille, son fils unique mourut à Lyon. Sa femme était dans la misère, tressant pour vivre des chapeaux de paille. C'est alors qu'il revint dans l'armée. Et ce fut au milieu de cette tristesse et de cette misère générale qu'il finit par construire la machine, à laquelle on a donné son nom. Mais que de temps il fallut pour que cette merveilleuse machine fût estimée à son vrai prix. Les ouvriers même, dont elle devait soulager le travail, la voyaient de mauvais œil. Un jour on la brisa sur la place publique, et le grand homme qui l'avait inventée eut lui-même à souffrir les mauvais traitements d'ouvriers ignorants. Enfin, au bout de 12 ans d'efforts, son métier fut généralement adopté et fit la richesse de Lyon. Les ouvriers qui craignaient que la machine nouvelle ne leur nuisît et ne leur enlevât du travail virent au contraire leur nombre augmenter chaque jour. Il y a maintenant à Lyon plus de 100 000 ouvriers en soierie. Et partout, on a adopté le métier de Jacquard. En Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Amérique et jusqu'en Chine. Chaque ville manufacturière invitait Jacquard à venir organiser chez elle les ateliers de tissage. La ville de Manchester, en Angleterre, lui offrit même dans ce but beaucoup d'argent. Mais Jacquard, voulant conserver toutes ses forces et tout son travail pour sa patrie bien-aimée, refusa. La ville de Lyon, reconnaissante envers cet homme, qui a fait sa prospérité, lui a élevé une statue sur une de ses places. Deuxièmement, parmi les hommes célèbres que Lyon a produits, on peut citer encore Bernard de Jussieu. Né dans les dernières années du XVIIe siècle, il s'adonna à l'étude des plantes. Cette étude s'appelle la botanique. C'est Bernard de Jussieu qui trouva le moyen de bien classer les milliers de plantes que produit la nature, de les distinguer les unes des autres et de savoir les reconnaître. Il avait tant travaillé que, sur la fin de sa vie, il devint presque aveugle. Il ne pouvait plus ni lire ni écrire, ni surtout distinguer ses chères plantes. Mais son neveu, auquel il avait communiqué son savoir, l'aida de ses yeux et de son intelligence. Le neveu voyait à la place de l'oncle, et il lui disait tout ce qu'il voyait. L'œuvre de Jussieu put donc être continuée, et ne fut pas même interrompue par sa mort. Ainsi, dans une famille unie, chaque membre aide les autres et les remplace au besoin dans leur travail. Quand on se promène à Paris, au jardin des plantes, on voit un grand arbre, un magnifique cèdre, qui rappelle Bernard de Jussieu. C'est en effet ce dernier qui l'a rapporté dans son chapeau et planté en cet endroit, alors que le grand arbre n'était encore qu'une jeune plante. Jacquard, né à Lyon en 1752, mort en 1834 à Oullins, dans le Rhône. Le cèdre du jardin des plantes. Le cèdre est célèbre depuis les temps les plus reculés par la beauté et l'incorruptibilité de son bois. C'est en bois de cèdre que Salomon fit construire les lambris du temple de Jérusalem. Jadis, le cèdre couvrait les hautes montagnes du Liban. Le premier cèdre planté en France fut apporté en 1734 au Jardin des Plantes de Paris par Jussieu.